Quelques instants plus tard, Yvonne cherchait sa brosse à cheveux. Tu m'as pris ma brosse, j'en suis sûre. Moi? Ce n'est pas possible. J'utilise un peigne, pas une brosse. Et je me rappelle que tu brossais ta perruque un peu avant le coup de téléphone de Monsieur le voisin. Ce n'est pas vrai. Pendant que tu parlais à Monsieur le voisin, je comparais la couleur de mon rouge à lèvres et celle de mon foulard. Mais avant le coup de téléphone de Monsieur le voisin, je te dis que tu brossais ta perruque. Ah, tu perds toujours tout. Et nous avons eu une longue discussion. Malheureusement, pendant que nous discutions, je cherchais ma ceinture. Qu'est-ce que tu cherches? M'a demandé Yvonne. J'ai été obligé d'avouer que je cherchais ma ceinture. Alors, je ne suis pas la seule à perdre mes affaires. M'a dit Yvonne, l'air malin. Et nous avons ri tous les deux. Yvonne et moi, nous avons souvent des querelles, c'est vrai. Mais elles ne durent pas. Et nous rions de nos colères. D'habitude, c'est Yvonne qui rit la première. Alors moi aussi, je ris. Et tout finit par s'arranger. Monsieur le voisin a raison. Yvonne est vraiment un ange.